Cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de La Marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolene Ruet jusqu'à 4 heures. Critique de Crowd! Alors, si tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est? Ben oui, je critique la foule. Le titre, le pas... explique très bien le concept. Et je te regarde, Crowd. J'ai l'impression, surtout cette semaine, que je passais la moitié du temps à te checker autant que checker le show. Alors, je t'observe et tout comme toi, j'assiste au spectacle et j'analyse tous tes petits comportements, mais surtout, j'apprécie la musique et je regarde, comment la scénographie a un impact sur notre appréciation et sur comment on va agir dans le spectacle. Je le mentionne, mon Dieu, de même, parce que setup original durant un spectacle au Divan Orange avec le double rendez-vous avec la mort et victime, et c'est dans un cadre tout à fait particulier, c'était la 31e édition, et je dis, ça l'est encore jusqu'au 12 novembre, coup de cœur francophone. Alors, je vais te parler de ce merveilleux festival où, entre autres, j'ai pas tant vu Jet Cool puis Marc-La, mais j'ai vu De La Reine, c'est à suivre pour l'anecdote, et sinon, Critique de Crowd était à la lime, toute première en improvisation. Je sais pas toi, Crowd, mais j'en ai tellement fait longtemps de façon théâtrale, là, on s'entend. Mais pour moi, l'improvisation, ça m'a beaucoup marqué. Alors, j'ai eu une impression de retourner aux sources, même si cette fois-ci, c'était musical. Alors, sur ça, on va continuer tout de suite en musique avec Montréal Carnivore. Et oui, les merveilleux Montréal Carnivore que je remercie au moins une fois par année de d'avoir créé le merveilleux intro de Critique de Crowd. Alors, c'est leur dernière chanson et j'avais bien envie de la réécouter. C'est Bande à part sur les ondes de CISM. Sur des rideaux Bord à part de Montréal, Carnivore, allez écouter tous leurs albums sur leur Bandcamp. Et sinon, ben, vous écoutez Critique de Crowd sur les ondes de CISM. Oui, je t'ai suggéré d'aller écouter toute leur discographie, mais fais ça après l'émission. Sinon, ben oui, t'écoutes Critique de Crowd qui est allé et qui, oh, je l'espère bien, aurait le temps de retourner au festival Coup de cœur francophone. Je dis si j'aurais le temps parce que, oh mon Dieu, j'ai vraiment géré mon temps vraiment mal. Je pense que au début, j'étais en train de me dire, oh mon Dieu, je suis complètement en train de passer à côté de Coup de cœur francophone. Ça commençait le 2 novembre, puis oh mon Dieu, j'étais complètement perdue. Je vais être bien franche avec vous autres, j'étais un peu triste de mon bordel d'horaire qui faisait en sorte que j'étais chaotique dans mes choix de la programmation qui était, oui, fort bien sympathique. Mais avant, peut-être te dis-tu, mais qu'est-ce que Coup de cœur francophone, Jolène? Ah, ben je vais te l'expliquer bien, bien vite. C'est un merveilleux festival, oui, qui a été fondé ici à Montréal en 1987 et qui est maintenant un peu partout dans le Canada parce que depuis 1995, ils ont ouvert un volet festival itinérant et un réseau pan-canadien qui fait en sorte qu'il y a quoi, au moins 200 spectacles qui se donnent dans la francophonie. Et je trouve ça important de le mentionner parce que oui, les francophones minoritaires en petite communauté à travers le Canada, je trouve que c'est bien important de faire le relais et de pouvoir, oui, partager ce qui se fait à Montréal et ce qui se fait au Québec, mais l'inverse aussi, qu'ils viennent nous voir. Alors, c'est une très belle occasion que nous offre Coup de cœur francophone et aussi des artistes à l'international et particulièrement, il faut le dire, et c'est pour ça que c'est ISM, ça donne bien, on est de connivence et c'est surtout axé sur l'émergence. 2017, ce sera une année plutôt marquante puisque, ah, il y a des honneurs puisque un des fondateurs du festival, Alain Chartrand, il a été décoré du grade de chevalier qui est l'Ordre national du Québec et qui est, en gros, la plus grosse distinction que tu peux avoir par l'État québécois. Mais aussi, 2017, une année de changement. Ben oui, ils ont changé de programmateur et je devrais plutôt dire programmatrice puisque c'est Isabelle Mouimet qui, maintenant, fait la prog pour ceux qui sont vraiment des habituée de CISM. Elle a animé une émission l'année dernière. Ah, la grande famille de la marge. Et surtout, on aime bien passer sa musique, entre autres Bobby McNeil et les Vulvettes. Et ben oui, je vous leur partagerai Crowd, parce que j'ai adoré l'article et l'interview qu'elle a donné avec Le Devoir, entre autres sur la place de la femme dans la programmation, parce qu'elle n'est pas la seule à Montréal à programmer des festivals. Je pense entre autres au pique-nique électronique. Et comme de fait, il y a beaucoup de filles, naturellement, qui viennent faire des DJ sets au pique-nique. Alors, qui amène la femme? Ah, ben oui, naturellement, ce sont des choix parce que les goûts et l'attention est peut-être plus particulière quand nous le sommes femmes. Et sinon, ben oui, dans la prog, il y avait comme 40% de filles. Je trouve ça beau par rapport à la polémique qu'il y a eu cet été, que justement, ça s'est fait spontanément, qu'il y en ait 40%, tandis qu'il y en a qui rushent, tu sais, à avoir même pas ce pourcentage-là. Alors, voilà comme quoi ça prouve que c'est tout à fait simple et possible. Et sinon, ben écoute, pour moi, la programmation, surtout, elle me paraît, ben oui, variée, mais surtout comme une chasse au trésor. Parce que quand je l'ai regardée, sur le coup, ben déjà, je revois les belles places montréalaises, l'Astral, le Lion d'Or, Club Soda. Ah, redécouvrir le ministère ou le découvrir pour tous ceux qui ne sont pas allés, là, ça devrait être pas mal ouvert officiellement. Le Vinyl Shop, l'Esco, le Divan. Vous pouvez même aller dans mon quartier à Hochelaga-Maisonneuve, puisqu'il y avait des spectacles qui se donnaient à la Maison de la culture. Mais là où mettait, pour moi, une certaine forme de recherche peut-être supplémentaire, me semble que je regardais la prog, puis je me disais, ah, ben des bennes que j'ai déjà vues à Coup de cœur francophone, je pense attendre. Et en même temps, je me disais, bon, qu'est-ce qui fait vraiment que ça ressort du lot? C'est un peu comme en grattant ou en s'informant sur chacun des artistes. Je pense entre autres à Philippe Braque. Bon, en même temps, vous me direz que tous ces spectacles ont quelque chose d'un peu particulier, flamboyant, un peu awkward. Mais oui, encore une fois, un spectacle complet. Je dis encore une fois parce qu'il y a eu beaucoup d'événements affichés complets durant Coup de cœur francophone. Là-dessus, je trouve ça tout à fait merveilleux. Oui, j'ai assisté qu'à des spectacles où il y avait beaucoup de crowd. Ça aussi, c'est très, très bon signe d'un festival en santé. Ben, je pourrais pas le dire pour toutes les éditions, mais en même temps, c'est un peu de ma faute. Comme si je vais voir des shows. À l'ESCO, un dimanche soir, ça se peut qu'il y ait moins de monde. Mais là, voyez-vous, je vais vous faire des critiques des spectacles qui ont eu lieu hier, un mercredi, un jour plat de la semaine. Puis non, il y avait, c'était crowded partout où je suis allée, vraiment. C'était joyeux. Mais pour revenir à Philippe Braque, ben oui, il a amené son sosie jouer de dos. Je crois que ça a bien surpris la foule. Et pour moi, ça fait partie des spectacles qui ont une certaine esthétique particulière. Je pense à La Bronze qui a fait un show caché, encore une fois, sold out. Je crois que nous aurons une critique rapportée par l'animateur de HD3D la semaine prochaine. Je dis ça de même parce que moi, j'y étais pas. Sinon, ben écoute, il a été annulé, mais il y avait aussi un spectacle disco soul avec une thématique kitsch avec Damien Robitaille, mais ça a été annulé à la dernière minute. Sinon, encore une fois, dans les shows, celui-là, par contre, il était bien marqué dans l'horaire. C'était une toune, un collage de Marin Blanc, alors des artistes comme Rosie Vallant, Lydia Kabinski venaient faire une chanson qui correspondait à une des œuvres. Alors pour moi, c'est ça, il y en avait que ça pouvait être quand même bien affiché là, dans la prog, qu'il y avait soit une thématique, soit quelque chose de spécial autour, mais pas autant que Canaille. Et c'est vraiment, oh mon Dieu, sur le tort que je l'ai lu vendredi dernier, puis là j'étais triste. Ouais, alors voilà, je vais vous parler de mes... de mes mauvais choix. Tu sais, à chaque fois, je me dis, ah non, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais à ne pas être là? Alors, j'étais triste chez nous. Je te reviens tout de suite là-dessus. Mais étant donné que, oui, je vous ai dit Bobby Gnay McNeil, ben, ça me donnait le goût de vous en passer. Reprise des Sinners, qui est aussi une reprise, reprise de reprise, ne reste pas sous la pluie. Buddy McNeil et The Magic Mirror sur les ondes de la marge. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd. Ah oui, je dis oui, je critique la foule. Et oui, il y a beaucoup d'enrobage à l'émission. Parce que tu veux dire, le spectacle, il faut y arriver, il faut y aller, il faut le trouver, il faut gérer son horaire pour profiter de la musique en direct, en notre face, avec un stage pis tout. Pis ça se passe pas pantoute, justement, dans mon cas, vendredi dernier. Parce que le festival, c'est ça, il commence le jeudi. Là, je pense que le premier jour, je me dis, je vais me rattraper, j'ai envie de voir et d'en profiter le plus possible. Mais j'ai... C'est vraiment ridicule. J'ai commencé à faire ma recherche sur les groupes que je voulais voir durant le festival vendredi soir à 9h. Alors, quel mauvais timing! Parce que, bon, soit ben, je pourrais toujours être à l'avance pour les spectacles dans les bars qui commençaient à 10h, mais sinon, j'étais clairement en retard pour tous les spectacles qui commençaient à 8h. Surtout que les spectacles en salle et qui commencent à 8h, ben, t'sais, c'est le Club Soda, c'est ben oui, le Lion d'Or. Tu sais, des places que ça commence relativement à l'heure. Hein, tu sais, bar, on te connaît, là, tu perds pas tes vieilles habitudes. Tu commences toujours un petit 15, 30, peut-être des fois même 45 minutes en retard. Mais dans les salles, tu sais, c'est plus tight. Fait que là, je regarde la prog, je vois Loud qui a sorti son album une semaine avant une année record, et paraît-il que c'était un spectacle assez record parce que les gens connaissaient les paroles par cœur en une semaine. Un beau Club Soda bien crowded. Fait que oui, quand je le vois, je suis comme, oh mon Dieu, je devrais y aller, ça va être excellent. Puis après ça, je me dis, oh mon Dieu, c'est sold out. En retard, Jolene, en retard, c'est pas toujours payant. Non. Alors, je continue ma recherche et je vois le spectacle de Canaille qui... une thématique particulière dans le cadre de Coup de cœur francophone. Ils font un spécial carnavalesque avec, paraît-il, Barbe à Papa et tout ce qui fait un peu fête foraine. Je dis paraît-il, je pourrais vous dire un peu n'importe quoi parce que j'y étais pas. Et là, c'est le moment... Je ris parce que des fois, je me dis, j'ai aucun sens. Parce que j'étais chez nous, je regarde l'heure, je me dis, il est 9h, il y avait une première partie, c'était les Royal Pickles. Là, je dis, OK, bon, ça, ils ont peut-être fait 45 minutes plus l'entraque, 9h. Si je cours vraiment vite, je pourrais toujours arriver à temps puis regarder quoi... 15 minutes, une demi-heure. Hey, une demi-heure, je suis généreuse avec moi-même. Bref, je le voyais. J'étais chez nous et je voyais le temps passer. Mon indécision. Ouais, je fais un peu d'indécision. Tu vois, j'ai hésité sur tous les spectacles. Finalement, je suis restée chez nous. Ben, je me suis dit que, ouais, le temps allait avancer et que moi, je n'irais pas plus vite. Vitesse. Ouais, il faudrait courir comme la vitesse de la lumière, finalement, pour pouvoir voir tous les spectacles à la fois. Fait que j'étais vraiment. Je me suis auto-déprimée. J'étais. Parce que je me suis dit, oh mon Dieu, ça commence mal, Coup de cœur francophone. J'ai le cœur brisé, ça marche pas. Qu'est-ce qui arrive? Mais, j'avoue que je parle de mon désordre depuis tantôt, mais je savais depuis que le show est sorti que je voulais y être. Je trouvais que c'était une occasion assez unique, même s'ils ont une chanson en français sur leur dernier album. Ben oui, Rendez-vous double avec la mort. Alors, les plus vite auront bien réalisé que c'est Double Date with Death en français. Il faisait un set francophone avec, oui, des chansons traduites, des nouvelles chansons et la toune Magicien. Et là, je me dis, ah, mon Dieu, c'est une belle occasion. Je l'avais mis dans mon agenda. C'était écrit. J'y étais. Alors, vendredi même, je suis à l'avance. Oui, à l'avance, à l'ESCO, pour me faire dire que le show va commencer dans une demi-heure. Fait que je fais, bon. On prend ça tranquille. Je crois aussi que c'est le genre de festival, étant donné des fois la proximité, oui, entre les salles et le grand nombre de spectacles, ça permet de butiner. Alors, j'ai butiné mon coup de cœur francophone. Je vais voir en face, ben plutôt à côté, au Quai des Brumes. Et j'assiste à un spectacle. Sur le coup, tu sais, j'arrive, puis je me doutais pas que j'assistais à Totem Tabou. Ben non! J'assiste à du merveilleux art rock. Bon, j'avoue, là, je dis arrive et je regarde. Ce sera le temps d'une ou deux chansons puisque petit retard et petite attente. Mais ça m'a permis de pouvoir bien admirer encore une fois notre beau quai, hein, une belle ancienne église. Je me demandais si les lanternes chinoises avaient tout le temps été là ou c'était spécialement pour l'occasion. Faut dire aussi que Totem Tabou font une petite scéno avec pas juste de l'éclairage. Là, il y a vraiment une projection de feuilles de palmier palmier. Et il était tellement large, leur éclat, leur projection, ça allait jusqu'au mur. C'était quand même bien... C'était pas fait exprès, là, mais c'était quand même coquet, je tiens à te le dire. Alors, juste comme ça, bien tranquille, à assister aux premières chansons. Et je pourrais pas vous faire la critique complète, étant donné que j'ai pas assisté à tout le spectacle, mais il y avait du colleux. J'allais dire juste ça, mais il était attroupé, là. Il était là avec ses copains. Tu sais, quelqu'un qui est comico, je me sens un peu trop à l'aise. Mais je dis, soit il est ami clairement avec le band, soit il pourrait être lourd s'il est pas sympathique. Mais il était à la bonne justesse comme entre les deux. Alors, de vouloir autant crier « Yeah! » quand ça joue. Peut-être lui aussi, il était bien impatient, mais tu sais, de beugler quelques petits commentaires ici et là. Tu sais, un peu trop d'appréciation. On se dit comme c'est généreux, mais en même temps, il fait du commentaire par-dessus. Et ça pourrait, oui, effectivement, devenir agaçant durant la soirée. C'est drôle, parce que là, je vais faire une critique de la lime, mais pour moi, ça a un référent comme de ligue d'improvisation. Parce que le public, dépendamment où se fait l'impro, ça peut, ouais, être un peu attitude bord, puis tu fais de la réplique, on monte sur scène, puis tu parles par-dessus. Mais on pouvait pas tant parler parce que la musique était tellement forte que je vous avouerais que durant les chansons, c'était plutôt silencieux, mais plutôt sans faire exprès. Mais quand même, c'est appréciable parce que, ouais, des fois, ça jasouille, OK. Fait que bref, je profite de ces quelques chansons et de cette ambiance, oui, qui m'avait quand même surpris parce que c'était un show assis, là, OK, tout le monde à ses petites tables, c'est bien posé, bien rempli, encore une fois, il n'y avait plus de place pour s'asseoir. Ensuite, je retourne à l'Esco parce que je me suis dit, hey, t'as tout manqué vendredi dernier, fait que là, on va se rattraper, on va être à l'heure pile à l'Esco pour réaliser que c'est le show des Dale à Woodchuck. Je rentre, puis je suis comme, hey, c'est une banderole qu'il n'y a pas d'affaires là. Là, après ça, je me dis, comme ces jeunes gaillards ont l'air bien stoner rock avec leurs cheveux poilus. Oui, c'est pour te dire comment ils étaient échevelés. Mais, mais oui, je me dis comme, OK, je ne suis pas partout à la bonne place. Qu'est-ce que je fais là? Je regarde, j'ai la notification sur mon téléphone cellulaire. Le show de Double Date with Dead en français se passait au Divan Orange. Et tout ce temps-là, je vivais comme, je sais pas, dans le déni ou juste je lis mal. Les habitudes des bands, je suis prête à accuser ça. Puis je me suis dit, mais ça me kiffe, tu sais, à l'ASCO. Vraiment un automatisme. Je me suis... je me suis un peu surpris moi-même. Mais surtout, je me suis mis à capoter. Puis je me suis dit, OK, non. Là c'est pas une prophétie. Là, on va pas rater tous les spectacles de coup de cœur francophone juste parce que... Hein? Fait que là, il est comme 10h45, là, je me mets à courir sur Mont-Royal pour arriver peut-être à temps au Divan Orange. Ce sera à suivre parce qu'on va aller tout de suite en écouter du Totem Tabou. Alors, on va aller entendre Sourire en saignant du nez. thème tabou sur les ondes de la marge après les publicités. Oh mon Dieu, est-ce que Critique de Crowd va finir par avoir un spectacle? Oui, déjà, n'est crainte, une merveilleuse Critique de Crowd de Victime et Double Date with Debt et de la Lime. Tout ça, à tout de suite. Au 18 novembre, M pour Montréal présente sa 12e édition. Préparez-vous à 4 jours de concentré musical et de découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux, un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Del des Funky Homo Sapiens, Peter, Jean-Michel Blais, Corias, Le Couleur, Geoffroy, Men I Trust, Pierre Quenders, Anemone, Rhymes, Bad Nylon, Larry Kidd, Always, The Courtneys, Shane, John Jacob Magistri, Sophia Bell, Alyosha, Lydia Kepinski, Les Hôtesses d'Hilaire et beaucoup plus. M pour Montréal, du 15 au 18 novembre. Programmation complète, passe festival et billets sur mpourmontréal.com. Avis de recherche. CISM souhaite recueillir de nouveaux projets d'émissions pour sa saison d'hiver. Votre projet doit être déposé au plus tard le 24 novembre. Après, il sera trop tard. La récompense est de pouvoir animer sur nos ondes pendant toute la session d'hiver. Pour plus de détails, visite notre site internet cism893.ca. Le dimanche 12 novembre, c'est la journée porte ouverte à l'Université de Montréal. Plus de 500 membres de la communauté UdeM répondront à vos questions. Venez rencontrer des étudiants et des professeurs passionnés. Rendez-vous aux portes ouvertes de l'UdeM dimanche 12 novembre de 10h à 16h à l'Université de Montréal. Plus d'infos sur umontréal.ca. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. Venez célébrer les 20 ans du Quatuor Molinari le vendredi 10 novembre à 19h30 au Conservatoire de Montréal. Informations sur le site web du Quatuor Molinari et sur levivier.ca. Film à l'affiche sur La Lune de Nickel, en salle à la Cinémathèque québécoise depuis le 20 octobre. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Du 2 au 12 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec la série Au cœur de l'ennemi, présentée par CISM et Bell. Dali Placard, Fudge, Violette Pie, le Festival de musique énervante, Dilarama, The Winston Band, Pony, Sarah Dion, Nicolet, Marin Blanc et tellement plus. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Ah, il est en amour. Il est en amour Bleu Nuit. Ben, ça donne bien avec Bleu Nuit. C'est oui, vous aurez reconnu le groupe Bleu Nuit qui est en 7e position du palmarès francophone de CISM avec la chanson Une tempête. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd. Et oui, j'aime te partager les chansons du palmarès et j'aime te partager ben de la suggestion parce qu'il y a tellement de spectacles à Montréal, autant que tu me rapportes aussi tes critiques de crowd, chers auditeurs de la marge. Ben, je peux pas être partout, comme j'arrête pas de le dire depuis le début de l'émission, parce que quand j'ai pas mon agenda de crowd, ça finit que je reste chez nous puis que y a pas de critique de crowd à faire. No. Alors par contre, il va en avoir cette semaine parce que Navet Confit, que j'aime beaucoup, organise le Festival de la musique énervante dans le cadre de Coup de cœur francophone. Et sinon, il va jouer avec Crab, Le Monde dans le feu, Coucoupé. Ça se passe au ministère. Vendredi, Fête Nat avec La Fête vont jouer au Quai des Brumes. Et sinon, écoute, si tu files hard rock, blues, psychédélique, il y a All Them Witchers qui vont être au Théâtre Fairmount. Et sinon, à la Cinémathèque québécoise, Technical Kidman pour le lancement de Ben Everything. Samedi, je capote, OK? Parce que c'est le dernier spectacle, l'avant-dernier à vie! À moins qu'il se reforme, mais je sais pas, j'ai le feeling que non, j'ai l'impression que ça se passera pas, là. Trap Them en spectacle au Turbo House avec Call of the Void and Dark Circles. Le spectacle est sold out. Si tu y vas, fais-moi coucou parce que j'ai juste un billet, puis je c'est l'heure de spectacle, puis je risque d'être triste, puis je veux pas être triste tout seul. Ouais, c'est ça qui est ça. Sinon, écoute, de façon plus réjouissante, Coco Terreur, Alesco, dimanche, dernière journée de coup de cœur francophone avec, entre autres, Miss Sasseur et Les Assises au Quai des Brumes. Et sinon, Ritz PDB, l'auteur, compositeur, interprète Circuit des Yeux, sera parmi nous à Montréal. Lundi, The Drums au Théâtre Fairmount. Mardi, c'est la soirée d'ouverture du Festival Mundial de Montréal au Lion d'Or. Et finalement, le rappeur en toi, oui, je le sais, je te fais jamais assez de suggestions, mais sache-le, le rappeur Sislak sera au Théâtre Corona mercredi prochain. Sur ce, écoute... Je l'ai présenté avec beaucoup d'amour, alors j'ai envie d'en écouter du Navet Confit. Et le pire dans tout ça, c'est que je pense pas à un de ses albums les plus récents, mais je crois que c'est ma chanson préférée. Je l'écoute beaucoup. Elle est triste, elle me rend émue, puis en même temps, je l'adore parce qu'elle est mélodieuse. Les animaux de compagnie sur l'album LP6 avec le plus long titre d'album qu'il existe au Québec. Et sinon, on va continuer avec le palmarès francophone. 10e position, Zen Bambou. J'aime les oiseaux, je les trouve. Yeah. Alors, vous venez d'entendre Victime avec la chanson... Ah, mon Dieu, la première chanson de leur album Mon VR de rêve. Vous allez me dire, Jolene, t'es bien confuse cette semaine! ouais, en premier, c'était les lecteurs CD là, qui étaient excités de jouer Victime. Justement, j'en fais la critique. Mais je pense que c'est la thématique la semaine aussi. J'étais tellement confuse durant les spectacles de Coup de cœur francophone. J'ai l'impression que même pour vous le raconter, je continue de l'être. Et pour... Pour la parenthèse, chers auditeurs, vous êtes toujours bien cute quand vous m'appelez en onde. Je suis en direct des studios de CISM. Et durant les publicités, il y a quelqu'un qui a appelé. Je me suis dit, ah, un auditeur. Mais ça parlait en coréen. Puis ça avait l'air de message automatique. Fait que je me suis dit, bon, ben que ça devait être comme une plug publicitaire. Mais je me suis très... je me suis vraiment plu à me dire que les ondes de la marche se rendaient vraiment plus loin que Saint-Hyacinthe, finalement. Vive la Corée. Et sinon, ben... Mais sinon, oui, je pense que ça continue de me rendre tout à fait confuse dans mes critiques et même dans les chansons. Fait que pour tous ceux qui attendaient impatiemment Zen Bambou, ton mal en patience. Alors sur ce, ben oui, Victime qu'on vient d'entendre et Victime que je vais voir au Divan Orange. Merci, Sal. Des fois, je chiale que ouais, les heures ne fitent pas. T'sais, des fois, tu nous dis 10 heures puis ça commence à 10h45. Mais cette fois-ci, ça m'aura servi. Je suis arrivée, le show n'était même pas commencé. Puis autrement, j'aurais vraiment manqué au moins un ben parce que 45 minutes, c'est pas mal le temps d'un set. Là, écoute. Et ça a été surtout une très, très, très belle surprise. La scène est vide. Ah, ça, c'est mauvais signe. Mais non. C'est parce que tout était placé par terre, même juste à côté de la scène. Alors, tous les instruments drette au sol. Et j'étais vraiment heureuse de cette installation, puisque oui, le Divan Orange, ben il y avait du monde, c'était plein. Mais de là à dire que ça aurait été full pour le parterre, non. Je trouve que le divan, des fois, est un peu ingrat là-dessus. Dès qu'il n'y a pas tant de monde, ça se sent un petit peu. Même s'il faut que tu laisses un petit couloir, là, parce que les toilettes sont derrière la scène. Fait qu'il faut quand même, oui, de l'espace pour la circulation, mais autrement, mais ça, c'est... Oui, c'est ça. Il y a une disposition qui peut faire en sorte que même s'il y a du monde, tu te dis, ah, il me semble qu'il en manque un petit peu, puis je sentirais plus de chaleur humaine. Et là, tout à fait l'inverse. J'ai l'impression qu'on on était parfait dans l'espace. Question nombre de gens et proximité avec le groupe. Je veux dire, ils nous l'ont dit même au début du spectacle. « Hey, approchez-vous! » Mais on pouvait quasiment être collés sur eux autres. Alors, quand je parle de proximité, bien, c'est plus... Ça me paraît comme la proximité la plus inégalée parce que si tu veux rentrer dans leur bulle, ce serait possible. Mais les gens ont été très, très respectueux là-dessus. Peut-être que je verrais ce genre de dérapage-là pour, je sais pas, un show hardcore où déjà le monde monte sur scène puis ils chantent avec le chanteur, prennent leur micro, gros bordel. Tandis que là, non, les gens sont vraiment à l'écoute dans un très beau demi-cercle, mais bien collé. Là, je sentais la proximité avec le groupe et avec la foule. Mais quand même, la scène est vide. Et le groupe, encore une fois, va suggérer de, pour ceux qui sont game, elle a même dit, ah, vous êtes pas game. Ben non. J'avoue qu'au début, tu sais, il y a personne qui s'étant oser monter sur scène, mais ça aura peut-être pris une, deux chansons pour que deux dudes décident de d'y aller. Je dis dudes, là, mais moi, je les prenais pour les trois mousquetaires. Ils ont fini par être trois. Ils étaient leur invité. Et oui, eux autres, j'ai trouvé ça quand même drôle comme attitude parce que, ben oui, ils étaient sur scène, puis en même temps, quelle attitude à avoir quand tu le sais que t'es quand même bien vu des autres spectateurs et même tu surplombes le groupe. Et c'est juste le fait qu'il était plus haut, ça donnait l'impression qu'il nous épiait. Tu sais, surtout, il y avait les bras croisés, il nous checkait même de haut. Mais c'était pas de la regard, c'était vraiment juste comme la position physique faisait en sorte que oui, il était obligé de pencher la tête pour regarder le spectacle. Mais en même temps, c'est ça, il était bien mollo, tu sais, il était pas en train de danser. C'était pas devenu une piste de danse, là, la scène. C'était vraiment juste un endroit où, ouais, si le groupe avait... pas suggéré, je me demande si c'est des gens qui auraient osé, c'est vrai. C'est drôle comment il y a l'espèce de côté sacré de la scène se perd pas, même quand on l'utilise pas, on n'y est pas monté pour rien. Ils sont allés parce qu'ils ont été, invités de le faire, mais ils prenaient des photos, et ils ont checké le show, pas sa petite bière. Oh, peut-être un petit gigotage qui pourrait ressembler à de la danse, mais rien d'exagéré. Mais ouais, je trouve ça toujours particulier, notre rapport à la scène. Je viens de mentionner les fois où l'inverse, ça devient très chaotique, et qu'on brise cette barrière-là du sacré. sacré de la scène et que ça devient l'espace de tous. Parce que, ouais, on veut transcender cet aspect-là. Et ce qui est particulier, encore une fois, c'est que même s'il était là puis qu'on avait conscience de cet espace inutilisé de la salle, ça, c'était pas désagréable. T'avais pas l'impression, et même durant Double Date, il y avait personne qui est vraiment monté sur scène pour regarder le spectacle. Puis tu te dis pas quel espace vide. Ah, me semble. Non, non, c'est comme s'il existait pas. C'est drôle. Même s'il garde toute son importance, qu'on reconnaît que c'est le stage, non. Ça, on dirait que ça faisait pas la même sensation de vide que lorsqu'il manque de monde au parterre. C'est fou, mais pour moi, ça prouve à quel point c'est ingénieux de, oui, passer à des sets différents en considération du nombre de gens qu'il va avoir au spectacle et aussi l'atmosphère qu'on veut avoir. Et je trouve que ça a été le plus profitable pour Victime parce que ils sont plutôt statiques. Ouais, ils bougent pas tant durant leur set. Puis c'est le cas aussi de la foule. Cette proximité là, en demi-cercle, je sais pas, amène pas tant à bouger. Peut-être une question d'espace. Une question, ouais, le fait qu'on soit proche fait qu'on est un petit peu moins libre de nos mouvements. Je pourrais pas dire encore à ce moment-là de la soirée, mais quand je dis statique, ça c'est plutôt... je me contredis. À la fin, le guitariste donne un coup de pied un peu mollasson dans les airs en pied de bas. C'était quand même sympathique, mais quand je vous dis, c'était pas mal le seul mot. Tu sais, c'est comme le déplacement de la soirée. Ouh! Et sinon, la chanteuse, ouais, qui va aussi se déplacer un peu sur l'espace scénique, si on veut. Alors, léger déplacement, mais ouais. Sinon, ça va être statique et peut-être que sur scène, j'aurais trouvé ça moins intéressant, tandis que là, ça me faisait pas un mauvais effet. J'étais heureuse justement de qu'il soit statique nous aussi, comme si on était tous sur la même longueur d'onde. Ouais, vraiment, je vous le dis, le setup faisait en sorte que ça mettait en valeur à la fois la foule que le groupe. Pour le mieux, j'ai adoré. Et ça me fait rire parce qu'il y avait une madame en avant. Oh, une madame, puis là, je la trouve bien cute avec son pichet de bière puis son énervement. Ben oui, tu sais, quand je dis énervée, laisser aller de petits mouvements. Et oui, je vous le dis, ça bougeait vraiment pas beaucoup. Mais elle était dedans. Elle avait un emballement. Et ouais, coup de théâtre, c'était sa mère. C'était la mère de la chanteuse. Elle l'a remerciée pour ses lifts. Ah, maman, t'es tout le temps là. T'es tout le temps la meilleure crowd. T'es tout le temps comme volontaire. Ah, t'es belle, maman. Et on shout-out à toutes les mamans de musiciens qui allaient encore voir vos petits garçons et vos petites filles en prestation. Sur ce, ben, on va continuer en musique cette fois-ci. Je croise mes doigts. Ça risque vraiment d'être Zen Bambou sur les ondes de la marge. Mes frissons montent à l'envers comme des poussées en corbillard. Oh ouais, il est temps, je le sais. Mais viens-t'en, j'y consens, je suis prêt, j'ai rangé ma chambre. J'ai lavé ma bouche, oh oui. J'ai chauffé mon sein, prévoyant, j'ai mis mon œil dans ton œil. J'ai rien dit de ce qu'il faut de bien ni de beau. On s'arrête, on se ravit, si tu veux, sur moi-même que ça t'arrange. Je vais boucher mes oreilles avec un gun. Je trouve plus mon fun nulle part. Mais l'hiver me plaît un peu plus que j'aurais pu. Toi aussi, oui. Ça s'écrit dans le feu. Ah oui. Entre nos sangs cachés, rivière pareille à portée de canal, à portée de main, et plus personne ne juste des pieux incontrôlables chaque fois, peut-être. On s'arrête, on se rhabille, si tu veux. Sûrement même que ça t'arrange un peu. Ben oui, parce que c'est pas ça que j'aime. Ben oui, parce que c'est pas ça. Ah, vous avez entendu finalement Zen Bamboo avec la chanson « Si c'est correct ». Et oui, c'est une chanson du palmarès francophone. Je vous suggère bien fortement d'aller voir CISM893.ca. Tu cliques, tu fais pas juste regarder. Tu peux visiter et découvrir à la fois toutes les émissions qui se passent sur les ondes du 89.3, mais aussi tout plein de musique. Ah, c'est-tu pas merveilleux? Sinon, t'écoutes toujours Critique de Crowd. En ce spécial, ben oui, j'ai toujours pas dit que c'était une émission spéciale, mais complètement, complètement spécial coup de cœur francophone. Mais oui, pour cette 31e édition. Et il y a des groupes qui sont prêts à traduire leurs chansons pour faire partie d'un festival francophone. Non, je suis plutôt heureuse d'apprendre qu'il y a des nouvelles chansons puis qu'ils ont l'air d'être en français. Ah, joie, joie pour Double Date with Death, puisque oui, oui, on va aller écouter Les Magiciens et c'est leur seul et unique. Je l'aime beaucoup, mais j'ai hâte d'avoir du nouveau stock de leur part. Je crois que c'était un peu l'occasion samedi dernier de profiter justement de nouveau dans nos oreilles. Et sinon, ben oui, c'est le même set que Victime. Là, ils n'ont pas déplacé les ils ont pas déplacé tout le setup qu'il y avait pour Victime. Alors eux aussi vont jouer par terre. Je m'emballe beaucoup pour cette scénographie. Et non, ce n'est pas la première fois que je vois un spectacle placé comme tel. Et déjà, on a juste à penser à Jonathan Gatt. Il me semble qu'il fait tous ses spectacles comme ça. Et c'est un des shows que, oui, je vous recommande le plus fortement. Je dis le spectacle parce qu'il est un spectacle, Jonathan Gatt, quand il est en show, il improvise. C'est ça, au sol, avec juste une lumière, comme une lampe, pas d'abat-jour, comme cette fois-ci aussi, c'était l'éclairage. Ce qui amène aussi une ambiance feutrée, tamisée, encore plus intime que si c'était un spot par-dessus eux autres, qui donnerait plus l'image d'une douche, comme au théâtre. Et oui, qui mettrait peut-être la foule plus dans l'obscurité, tandis que là, ça fait une belle lumière diffuse. Et sans être dans, mon Dieu, dans la musique plus expérimentale, je pense à Rouge Pompier qui faisait leur set en salle par terre ou sur un petit step, mais au milieu de la salle de spectacle. Je vous le mentionne parce que je vais faire la critique à la fin du mois, puis je suis curieuse encore une fois de la différence par rapport au style musical avec une installation moins traditionnelle pour un spectacle, tu sais, d'être pas sur le stage, hein? Fait que c'est à suivre. Mais pour cette fois-ci, encore une fois, je trouve que ça a été profitable, mais j'ai l'impression que, contrairement à Victime, où justement c'était statique, puis je trouvais que c'était en corrélation avec l'envie, l'énergie de la foule, du band. Je dis pas que ça peut pas s'énerver, mais je trouve que c'était le mood de la soirée. Mais avec Double Date, tu sais, ils jouent du garage, t'as envie de danser, t'as envie de, oui, un peu plus t'énerver, sans que ce soit la grosse folie, tu sais, juste danser un peu. Mais moi, là, j'ai trouvé que ça pouvait être un peu plus difficile. Autour de moi, oui, ça remue de la tête et du genou, mais c'est, encore une fois, ça bouge pas. C'est plutôt immobile. On veut pas se déplacer dans la foule. Est-ce que c'est le fait que la crowd soit en demi-cercle et que les déplacements se font de moins naturellement que quand on est cordé en petite rangée face à la scène, tandis que là, pas tout le monde regarde dans le même angle? Pour moi, ça a été comme une constatation. Je me suis dit, ben voyons, dès que tu changes le comme le point focal, là, comme là, c'est pas sur la scène, et c'est plutôt dans le coin de la salle. Quand tu inverses la disposition classique d'une scène, ça inverse comme l'attraction dans la crowd. En avant, les gens... Oui, sur le côté, il y en avait qui dansaient, mais ils étaient plus proches de la scène, un peu plus éloignés. Il y avait légèrement de l'espace. Peut-être que là, ça se le permettait. Mais ceux que j'ai vraiment vus danser, ils étaient vraiment plus dans le fond, à côté de la console. Et c'est... Quand je vous dis que je regarde plus la crowd que je regarde le spectacle. À ce moment-là, c'était tout à fait vrai parce que si je m'étais pas retourné la tête, j'aurais jamais eu le constat qu'il y avait des gens qui bougeaient durant le set de Double Date. Et ils dansaient bien! Ils dansaient le rock, là. Un beau couple que ça paraît que tu prends des cours, là. Tu t'entraînes, là, puis les fins de semaine, ben écoute, ça donne l'occasion de te réentraîner sans ton professeur puis ramener... ben oui, comment tu t'es amélioré? Il était des amis. Je pense qu'en tout, il était quatre. Je pourrais pas te dire que du début à la fin, ils ont dansé. C'était un peu sporadique. Mais reste que c'est ça. Il était loin. Loin du band, puis d'habitude, c'est à l'avant-scène qu'il y a de l'énergie, à la fois à la proximité avec les musiciens, mais aussi, oui, je pense que c'est juste ça, juste le fait que t'es proche du groupe, que t'as envie de t'énerver plus. Puis là, c'était l'inverse! Ah! Une théorie qui ne se tient pas, mis à part que, justement, c'est ça. Quand tu changes la scène de place, ça déplace toutes les autres codes qu'il y a déjà dans la foule. Ça m'a... ça m'a fait plaisir de voir ça. J'ai hâte de pouvoir revoir d'autres spectacles avec un peu ce même genre de disposition-là pour te confirmer cette observation-là. Peut-être que c'est juste Double Date. Peut-être que c'était juste des couples qui étaient... ils voulaient pas être trop show-off. Ils ont dit, on va aller danser un peu éloigné. Parce que la musique est forte, c'est pas comme si on allait moins l'entendre parce qu'on n'est pas proche. Et sinon, ben ouais, c'est relativement tranquille. C'était bon. Pour moi, la proximité aussi avec le Ben fait la différence. Je trouve que c'est agréable. Puis aussi, je me sentais pas statique, je me sentais juste concentrée, étant donné qu'il était si proche. Mais quand même, à la fin, petit énervement du chanteur qui saute du moniteur, ou il saute du banc. En tout cas, il saute, il tombe... Ça a comme poussaillé un peu du monde, ça splouche de la bière, mais sinon, j'ai observé vraiment, vraiment toute fin, il y a quelqu'un que je... élan d'excitation, parce qu'il se met à brouiller, mélanger les cheveux de son camarade. Il saute dessus, ça sonnait un peu trash, mais en même temps, ça se passait pas du tout. C'était à la fois isolé, mais plus qu'isolé, il y avait juste une personne qui, était soudainement énervée. Peut-être que c'était la fin, je sais pas, le moment ou jamais. Et pas de rappel. Ça, c'est drôle quand je vous dis... proximité. À la fin, il a dit, on va faire un rappel si tout le monde va sur le stage. Puis il y a quelqu'un qui a dit, c'est-tu vrai? Puis il a vraiment pas dit fort. Et le chanteur a répondu oui. Et il n'y a pas eu de rappel. Peut-être que comme de fait, il disait la vérité. Il fallait tout être sur scène. Mais de toute façon, on n'avait pas besoin de rappel pour ce spectacle-là. Je crois que c'était bien donné et pour moi, j'étais bien satisfaite de ma soirée. Sur ce, on continue en musique. Ben oui, je te l'ai dit qu'on allait l'écouter, Magicien de Double Date with Dead. Magicien d'or. Double Date with Dead sur les ondes de CISM. Et vous écoutez Critique de Crowd et bien des spectacles durant Coup de cœur francophone. Et justement, comme je vous disais hier, j'ai assisté au deuxième match de la LIM, la Ligue d'improvisation musicale de Montréal. Et en y allant, c'était au Café Campus qui fête ses 50 ans. Et je crois que c'est aussi pour la même occasion que la Ligue est revenue. Mais écoute, je passais sur Prince Arthur et je me disais, il me semble qu'il n'y a pas d'autre occasion que je traverse le Square Saint-Louis que pour aller au Café Campus. C'est pas très crowdien là, comme anecdote. Je vous avouerai que mercredi soir, il y a pas grand monde qui sort. Ouais, puis il commence à faire frais, fait que les gens vont commencer à hiberner puis tout ça. Et, mais quand même, je pense que j'y vais pas souvent parce que je sais pas de toi, tu vois, j'hésite à le dire parce que je suis tout seul. Mais ça fait très... Mais ça, je sens comme une touriste quand j'y vais. Peut-être parce qu'on marche dans la rue. C'est peut-être la Casa Grecque. Je sais pas. Mais moi, j'ai regardé la Casa Grecque, puis y avait personne à l'intérieur. Le restaurant immense, puis on a un mercredi soir. Fait qu'il y avait un couple. Il y avait juste un couple. Je me rappelle, la fille, elle avait les cheveux rouges, flamboyants. Et visiblement, c'était une date. Là, je veux pas généraliser, c'était peut-être pas une Tinder date. C'était juste une date de l'amour de sa vie. Ils fêtaient leurs 20 ans de couple, tu sais. On sait pas, mais c'était une date. Et je trouvais ça quand même beau de les voir avec leur vin, puis le resto, puis ça s'éternise. Ça s'éternise et parce que en sortant du match de la LIM, il était encore là. Puis là, je me suis dit, ben voyons, soit c'est moi qui n'ai pas resté assez longtemps durant le match, soit c'est eux autres qui prennent bien leur temps. Puis je trouvais ça cute. Et le hasard de la ville, moi, je trouve que c'est des beaux hasards. La poésie urbaine, c'est pour ça que je veux te la partager. C'est parce que je vois le couple là, avec la fille aux cheveux rouges, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, ils sont bien romantiques à Casa Grecque, coudon. Puis là, après ça, je suis en face du Lafleur, puis il y a un char qui barre un peu le chemin. Ah, ça, c'est pas pratique pour la crowd, ça me dit, ben non, il y a personne, il y a juste moi. Fait qu'il y a un char, c'est quatre flasheux, d'un couple en train de manger super vite un hot dog chou avec des patates, tu sais, au Lafleur, quand même, tu manges tes patates. Et ça m'a fait beaucoup rire de me dire, et si le concept du speed dating fast-food existait? Tu sais, je veux dire, si les dates classiques se passent au resto, il devrait y avoir aussi la côté fast-food. Dans le fond, c'est ce qui se passait, puis en plus, ils l'ont pris pour emporter, ben presque, parce qu'il était pas en train de manger en conduisant. Il me disait, speed dating fast-food, on tient un concept. Alors, pour tous ceux qui... Mais oui, cherchais des idées sur Grenu, je te la donne. Je te la donne gratis, mais invite-moi en tant qu'observatrice, mec, t'organises ton premier speed dating fast-food. Sur ce, ça donne l'occasion de mettre des tunes qui parlent de gras, ou plutôt un album nommé en gras, Gras dur, de Final Bâton, avec la chanson Ketchup Sauce. Ah! Dans ta face, Final Bâton et la chanson Ketchup Sauce sur leur album Grodure. Ben oui, parce que j'aime bien ça quand ça brosse les tunes. À critique de crowd, ben oui, c'est ce que tu écoutes présentement sur les ondes de CISM. Et je ne fais pas juste en parler du Café Campus. Je m'y rends pour la Ligue d'improvisation. Oh mon Dieu, j'allais dire mauricienne. Parce que justement, quel lapsus, mais quel merveilleux lapsus. Parce que c'était pour moi un sans l'avoir fait exprès, mais pour moi, c'est un retour aux vieux amours. Moi, l'impro, j'en ai fait, là, au secondaire. C'était épouvantable, là. J'étais dans la ligue la semaine, puis on avait des matchs la fin de semaine. Le dimanche, j'étais la ligue d'improvisation mauricienne au Maquisard. Et j'étais tannante! Je lançais mes souliers parce que jadis, dans la LNI, ben oui, avec... Non, je n'ai pas vu Robert Gravel, évidemment, là, mais avec les fondements de l'improvisation telle qu'on le connaît là, de façon classique. Les gens lançaient leurs claques, mais étant donné que c'est plus très populaire, les claques, mettons, ben oui, je lançais mes souliers, je lâchais des whacks à l'arbitre. J'étais épouvantable. Et pour moi, j'avais pas autant fait le lien entre la LIM, la Ligue d'improvisation musicale de Montréal, et l'improvisation classique. Parce que, ouais, je n'avais toujours pas assisté à un des matchs. Je comprends tout à fait parce qu'ils ont pris une pause l'année dernière. Ils sont de retour en force. Et cette fois-ci, même les équipes sont au nom de... Parce que les autres années, ça a l'air que les équipes étaient au nom genre de l'ESCO, le Lion d'or. Mais cette fois-ci, c'était au nom de CIBL puis CISM! Hey, on est une équipe! On est une équipe des pros! Mais... J'arrive un peu en retard, tu sais, au Café Campus, puis là, j'entends juste CISM, CISM en montant les escaliers. Je suis comme, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Je vois la grosse banderole, je vois les gilets rouges avec marqué CISM en arrière, puis j'étais comme, ah, oh mon Dieu, je sais déjà pour qui prendre. Aucune part. Complètement impartial, hein? Ben oui. Mais non, sans blague, les deux équipes étaient tout à fait bonnes. C'est dur de faire une distinction sur les équipes, surtout durant des mix. Et je le dis tout de suite, ça a vraiment les mêmes repères que l'impro classique, là, avec un arbitre, avec son costume d'arbitre et les équipes, justement, deux couleurs différentes, les cartons pour voter, les comparaisons, les mix avec des titres puis des styles. Et pour moi, j'ai été bien heureuse. On dirait que je ne savais pas à quoi m'attendre du tout en allant voir la LIM, même si je comprenais que c'était fort populaire. Il y avait quoi, 250 personnes hier? Et paraît-il que tous les autres événements par le passé, c'était tout aussi plein. Pour tous ceux qui sont curieux, il y a le prochain match est le 13 décembre. Mais pour moi, je suis comme, mon Dieu, ça pogne. Mais contrairement à la Ligue d'impro classique, je vous dirais que, par contre, c'est quand même le setup un peu cabaret, là, avec la table où tu peux mettre ton beau pichet, hein, une belle table ronde pour ton gros pichet bien rempli et tes petits verres de plastique. Mais la crowd bien cordée, quasiment comme une salle de spectacle à l'italienne, parce que, mais ça faisait plus des rangées qu'une version au cabaret. Les gens, ils étaient bien cordés. C'était genou à genou. Et, pour de vrai, c'était tellement crowdé au premier étage que je suis allée au deuxième. Alors, oui, je vous ai observé... Je vous ai observé du crowd, mais c'est parce que c'est quand même tranquille comme foule. Il n'y a pas, justement, ça bouge pas vraiment, il n'y a pas des déplacements, même pour, même quelqu'un qui voudrait aller se servir. Non, il n'y avait pas de grands déplacements, comme une salle classique. Je crois que c'est juste la disposition qui l'impose, mais parce que les gens vont attendre aux entraques, il y en a deux, et parce qu'il y a une très, très grande attention des spectateurs pour le spectacle. C'est vraiment quelque chose. Au début, là, la première époque, je capotais un peu, j'étais impressionnée. Parce que je me disais quelle culture musicale il faut pour chacun des musiciens pour être capable d'improviser puis avoir l'écoute. Je sais que c'est aussi par mes connaissances. Je suis pas musicienne et l'improvisation musicale me paraît vraiment plus obscure que l'improvisation théâtrale. Mais je me disais, waouh, c'est bien fort! Et aussi parce que l'arbitre a déjà annoncé un premier avertissement à la première improvisation. J'étais comme, comme « Oh shit, c'est vrai, il y a des pénalités comme dans la vraie impro, ah non! » Et il faisait un avertissement comme quoi il fallait pas utiliser des référents culturels, alors pas avoir un bout musical qui pourrait être une pastiche, qui pourrait être juste une imitation. Et là, je me disais « Wow, wow, wow! » Moi, j'avais zéro marqué. Enfin, je me disais « Aïe, aïe, aïe! » C'est un niveau assez élevé qu'on a à faire. Oui, ben, sûrement aussi dans la foule, mais voyez-vous, il n'y a pas de commentaires. Les gens, comme je vous ai dit, ils n'étaient pas comme moi à 15 ans, ils étaient plutôt bien élevés. Et sinon, oui, il n'y a pas tant de morts parce que déjà, il y a de la musique durant les caucus et il y a des commentateurs qui, oui, vont parler des joueurs, qui vont parler de la ligue, vont parler des chansons qui sont passées, les projets respectifs de chaque musicien. Fait que, ouais, même qu'avec la musique, on les entendait un petit peu mal et surtout parce que, bah, hein, le temps du caucus, ça dépend des ligues, là. Personnellement, à Montréal. En Mauricie, non, c'était plutôt silencieux. Alors, ça donne bien l'occasion de jasouiller. Alors, c'est comme... Il y a un petit... qui va en même temps que la musique puis les commentateurs. Écoute, il y a du bruit. Il y a de quoi susciter nos oreilles durant le caucus. Mais autrement, là, je veux dire, quelle belle écoute. Et... je vais continuer sur cette critique de crowd de la Lime, mais avant, j'avais envie qu'on en écoute qu'on en écoute de l'impro. Ouais, presque. C'est Maxime Gervais et sa chanson « Mon équipe d'impro est en crise ». D'impro est en crise après moi. J'étais trop scrap des interventions de marde, choqué en fusillade, pis du cabotinage. On était en finale, je nous ai fait perdre le match. On n'a pas eu d'étoiles, ça finit 12 à 4. Hey, faites-vous en pas, je vais vous. Mes nuits sont de moins en moins pires. Je vois à piscine avec Christine. Je bois un peu moins, pis je bois une fille. Je vais m'acheter des nouveaux jogging. J'aurais pu peur de faire une zapping. Être à l'écoute, pis tendre des perches. Je ferai plus jamais. De joke, de dèche. À moins que ça fitte bien dans le contexte. Non, mais tu sais, je suis pas là, ça pourrait être, mettons, deux prisonniers qui veulent s'évader. Il y en a un qui dit, ah, j'ai creusé un tunnel, tu sais, on peut passer dans le tunnel. Puis là, l'autre, il dit, ben, non, on peut pas parce que ton tunnel, je l'ai rempli de dèche. Mon équipe d'impro. Tant crisse après moi. J'étais allé faire une solo, ça crissait un malaise. Tout le monde se cachait le visage jusqu'à ce que l'arbitre me balaye. L'impro suivante devait être jouée par toute l'équipe. Mon capitaine m'a dit que c'était mieux que j'attende sur le banc. Hey, pensez à tous nos beaux souvenirs. Le tournoi à Victoriaville, Réal Bossé, t'es venu nous voir. Il avait dit qu'on avait de l'espoir. Je voudrais qu'on redevienne une équipe, puis qu'on se fasse une belle dramatique de 5 minutes. Ah, oh, puis fuck de 10. Je voudrais qu'on fasse pleurer l'arbitre. Christ de belle équipe. Alors, l'équipe des Bleus est fière d'accueillir dans ses rangs Jean-Simon Tessier, Barbara Dufault, Maxime Villot, Anne-Marie Binette et comme substitut, Christian l'Italien. Ah oui, pour ceux qui sont pas des habitués de Ligue d'impro, je trouve que ça donne vraiment le même feeling, cette chanson-là de Maxime Gervais. Mon équipe d'impro est en crise. Ah non, pas pour la colère qu'on peut avoir contre nos collègues d'impro, mais plutôt, la dynamique et les styles d'impro. Et oui, le cabotinage. À quel point, pour moi, c'est vrai, ah mon Dieu, cabotinage, c'est tellement la pénalité que les gens ont souvent en impro, là, hein, la blague facile pour plaire au public. Et le rapport avec, justement, avec la foule est important en impro. On veut aller chercher son point. Fait que oui, on a envie d'y plaire, puis on est prêt à faire des blagues faciles. Et c'est peut-être parce que, justement, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée voir de l'impro théâtrale que ça m'a paru vraiment d'une surprise. Je vous disais que c'était tranquille dans la foule, dans le sens où les gens peuvent pas vraiment bouger, les déplacements sont difficiles, puis de toute façon, c'est pas vraiment l'occasion pour, et qu'ils sont à l'écoute durant les chansons, mais qu'ils réagissent beaucoup. Ah oui, il n'y a pas de chou, puis il n'y a pas de claque, comme j'ai dit, il n'y a rien de négatif. C'est une foule enthousiaste et positive, mais... Moi, je ris beaucoup, mais eux autres, ils riaient beaucoup! Oh mon Dieu! J'étais surprise! Je m'attendais pas que... Oui, la musique, il peut avoir des éléments humoristiques, il peut avoir des éléments drôles, même juste avec la musique sans d'ajout verbal, mais que ça rit autant, ça m'a surpris. Rire autant... Ça me paraît pas aussi précis que rire aussi facilement. Je pense qu'il était craqué. Comme une crainte, puis là, il était parti pour la soirée. Mais attends, non! Tu sais, il était pas difficile, il riait pas pour rien. C'était toujours quand il y avait une tendance de blague, entre autres avec l'arbitre qui est vraiment pas comme Yvon Ponton, là, si vous avez, tout comme moi, parce que je n'ai jamais vu la Eleni en personne, mais et que je l'ai écouté à la TV. Et il était pas drôle, il était sérieux, il est le clown méchant. Oui, ça sert bien pour le clown drôle, ça le met en valeur. Mais cette fois-ci, leur arbitre à la lime, il est drôle en soi, il y a vraiment de la répartie, puis il est à l'âge des cracks, là, il est pas il est pas regardant là-dessus. Et à chaque micro petite tendance que potentiellement ça va être drôle, les gens rient, particulièrement pour l'arbitre, mais aussi musicalement. Pour vous donner peut-être quelques exemples, il y avait une improvisation avec Support Visuel, c'était un vidéo avec les rappeurs Canlo, Lord et Larry Kidd. Là, étant donné que je pense que c'est une comparée... Non, c'était une mix, pas importe. Mais reste que le gars, il voulait être avec son drum. Puis là, il a dit, est-ce qu'il faut que j'amène mon instrument? Et l'arbitre a répondu, ce serait une bonne idée. Là, on savait pas encore c'était quel instrument, puis à quel point ça peut être compliqué, justement, à déplacer. Mais juste la phrase, ce serait une bonne idée. Dans un autre contexte, elle est plutôt fade, elle n'a pas vraiment d'humour. Mais là, étant donné sa petite arrogance, hein, quand t'es arbitre d'impro, faut que tu sois arrogant, c'est drôle. Et ça amène toute une dynamique avec les joueurs, qui sont aussi une crowd, là, je veux dire, il y a 10 joueurs sur scène. Mais ça m'a, cette phrase-là, on dirait que je l'ai retenue parce que je me disais, en tant que tel, c'est pas si drôle que ça non plus, mais les gens l'ont ri. Puis c'est à peu près toujours comme ça. Il y a une autre impro, non, c'était la même, parce que il y en a un qui était ça, avec plus son drum, l'autre il était avec son Casio, puis ça marchait pas, le son sortait pas bien, et il a dit ouais, il y avait pas assez de gain, et quand il a pas eu le point, ben l'arbitre il a dit hein, que ça y a pas fait des gains. Ah, jeu de mots savoureux, c'est vrai, il était drôle, mais encore une fois ça rit, et l'humour va toujours me fasciner parce que une blague pas tant drôle peut tellement faire rire dans un contexte, tandis que tu vas voir un show d'humour puis c'est comme j'en veux pour mon argent, mais il va avoir une structure bien plus précise et plus établie pour te faire rire, parce que je sais pas à quel point elle a un potentiel humoristique, toutes les phrases que l'arbitre peut lancer, puis en même temps il fonctionne, tout le monde rit de bon cœur, pas gras, c'était pas gras comme rire, c'était bon. Tu sais, ça rit, ça rit de bon cœur, mais sans excès. Oui, c'est surtout ça. Mais il faut dire qu'il y a de l'humour dans les improvisations aussi. Je pense à l'improvisation imposée par l'autre équipe. Il y en avait une, c'était rock, disco, aérobic. Ah ben là, déjà en soi, c'est drôle. C'est drôle de voir des de voir des redressements assis faits par un saxophoniste, voir des jump and jack au drum. Ben oui, je veux dire, c'est juste le fait qu'il l'ait annoncé, les gens riaient et... l'assister l'était autant, même si j'avoue que juste l'entendre était presque plus drôle que le voir en tant que tel. Et sinon, l'autre impro imposé, c'était une version halloweenesque, mais il fallait juste qu'ils disent des voyelles. Et un des musiciens, ben, il disait Y, ben oui, c'est sûr qu'on allait aussi la rire. C'est drôle! Tu sais, il me semble que... Pas que je m'y attends qu'on me propose une impro puis on va dire « Hey, faites juste des voyelles que Y va ressortir. » Ah, il y en a toujours un petit vite qui va le faire, mais à quel point c'est ça? Ça peut être... C'est un peu prévisible. Dans l'humour, il y a un peu ça, la surprise. Mais en même temps, ça marche. C'est vrai qu'on s'y attend pas à ce point-là. On s'attend à des classiques « ou d'Halloween. Mais encore une fois, sorry. Ça, ouais, vous voyez, j'en reste un peu... Ouais, surprise moi-même à quel point les gens étaient... étaient prêts à s'amuser surtout. Ouais, et j'ai bien l'impression qu'il y a des habitués de la Ligue et peut-être que leur observation est différente. Peut-être que c'est ça aussi, comment l'humour peut être assimilé différemment, dépendamment, le contexte, l'habitude avec la Ligue. Ouais, y a-tu des insides? Mais là, c'est une nouvelle Ligue, ils recommencent. C'est à suivre. Oui, je dis c'est à suivre parce que j'ai fort aimé mon expérience et j'ai hâte de voir d'un match à l'autre comment les gens réagissent toujours ou non de la même façon par rapport à l'humour à la fois de l'arbitre mais aussi des musiciens. Hey! Parce que moi j'ai vu la ligne, mais après ça, genre je voulais aller voir Jet Cool. Je voulais, tu vois comment c'est rempli d'intentions puis que ça se passe pas. Hey boy! Fait qu'on va aller en écouter Jet Cool sur les ondes de la marge. Se faire. Vous venez d'entendre Le Surfeur d'or de Jet Cool. J'espère que vous avez apprécié le spectacle pour ceux qui y étaient, parce que non, j'y étais pas. Ça se peut-tu? Je me suis encore pointée à l'ESCO en pensant que c'était là et mauvaise réponse, c'était au Divan Orange. J'ai complètement confuse pour mon coup de cœur francophone cette année, mais j'ai pu voir La Reine de la Reine. Je vous ferai une critique très très prochainement. Je vous le semi-promets parce que, écoute, il y a du contenu à venir pour ce mois de novembre, parce que oui, je vais en voir du spectacle. Ben oui, parce que c'est Critique de Crowd qui se termine pour cette semaine. Je m'appelle Jolaine Ruet et c'est toujours un honneur d'animer sur les ondes de la marge. Et pour suggestions, amour, questions, resuggestions, ça fait toujours plaisir de voir ce que tu aimes comme band en direct. Ben, va voir Facebook et il y a une belle section pour pouvoir écrire. Alors voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Amateurs de football, le samedi 11 novembre dès 14h, les Carabins de l'Université de Montréal affrontent le Rouge et Or de l'Université Laval pour la Coupe Dunsmore. Paul Therrien, Philippe Asselin et Vincent Paquette s'installent sur les lignes de côté pour vous retransmettre en direct la guerre de tranchées que se livreront ces deux équipes. Le football des Carabins, c'est à CISM que ça se joue. Le samedi 11 novembre dès 14h. Hey, c'est la 20e édition des RIDM. Les RIDM? Oui, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Le festival où l'on retrouve des films engagés, captivants, aux démarches singulières. Il y a aussi des essais expérimentaux et des courts-métrages. Un festival qui nous fait découvrir le monde. Et nous fait rencontrer les cinéastes. Les RIDM, c'est une foule d'activités et une salle dédiée aux projets interactifs. En plus, il y a des shows gratuits au quartier général. Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal, du 9 au 19 novembre. Là où toutes les histoires se rencontrent. Rendez-vous sur RIDM.ca. Du 2 au 12 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Paubière, Loud, Mondou Seigneur, Emmanuel Looper, Maud Audet, Keith Kuna, À la claire ensemble, Cliché, Félix Dia, Corridor, La Bronze et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM. Diplômés, vos études sont peut-être finies, mais pas votre progrès. Les diplômés du campus de l'Université de Montréal obtiennent 20% de réduction sur l'abonnement au CEPSUM. Visitez cepsum.umontréal.ca pour tous les détails et inscrivez-vous dès maintenant. Mondial Montréal présente la diversité telle qu'elle définit notre société. Rencontrez Immigration Nation du 14 au 17 novembre. Le monde de la musique se rencontre à Montréal. Le Canada est un pays d'immigrants résidant sur des terres autochtones. Nous tenons à vous faire vivre l'expérience de cette mosaïque de culture par l'entremise de la musique. Performance par le révolutionnaire Rami Hassam, le rappeur français Roka, conteur autochtone Quentin Tangle, plus Lojo, William Prince, Kobotown, Kalashima, Jazamboka, Rebel Moon et beaucoup plus. Venez découvrir de nouvelles sonorités. Venez prendre part à des conversations engagées et bien sûr, venez danser du 14 au 17 novembre. Le monde de la musique se rencontre à Montréal. Billets et horaires sur mondialmontréal.com. Pour la toute première fois en 6 ans, The Perfect Circle. Le mardi 14 novembre à la Place Belle à Laval. The Perfect Circle en concert. Billets en vente dès maintenant sur placebelle.ca, evenco.ca ou par téléphone au 1-855-634-4472. A Perfect Circle! Vous écoutez CISM 89.3 FM.